Dans les veines depuis quelques années, yeah. Fumer de l'herbe ne fait plus trop planer, yeah. Bourré je l'étais, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bourré d'effet d'excès de THC, goûner le mec couché que je viens de tabasser, yeah. Fumer de l'herbe ne sait plus trop me calmer, yeah. Aide ménagère, maman ne sait plus marcher. Problème Lambert, papa ne sait plus marcher. Ce truc fout les nerfs depuis quelques années, yeah. J'écris des vers car je ne sais plus parler, yeah. Récits de chair par lesquels je suis passé. Au cimetière pervers peut-être y aller. Je peux tout faire sauf le laisser s'en aller, yeah. J'ai tout fait dans sa gorge, elle sait tout faire, yeah. En me regardant lui dire de ne pas tousser. Je suis un enculé, c'est pour ça que j'irai au paradis. J'ai déjà pris mon camagra, inconscient, ma conscience est euthanasiée. Manque d'attention, ma semence s'est déjà craché. Obsédé parce que je possédais, possédé. Les derniers seront les premiers, c'est pour ça que j'irai. Dans les veines depuis quelques années, yeah. Fumer de l'herbe ne fait plus trop planer, yeah. Bourré je l'étais, je n'ai pas fait ce qu'il fallait.